bien dans ma salle de bain faire de la musique, faire de la musique. J'aimerais bien dans ma salle de bain faire de la musique à la place du bain. Le savon ferait des plongeons et puis la serviette, et puis la serviette. Le savon ferait des plongeons et puis la serviette volerait au plafond. J'aimerais bien dans ma salle de bain faire de la musique, faire de la musique. J'aimerais bien dans ma salle de bain faire de la musique à la place du bain. Et j'aimerais bien au fond de mon lit faire de la musique, faire de la musique. J'aimerais bien au fond de mon lit faire de la musique pendant toute la nuit. Le matelas jouerait la samba et la couverture, et la couverture. Le matelas jouerait la samba et la couverture, le cha-cha-cha. J'aimerais bien au fond de mon lit faire de la musique, faire de la musique. J'aimerais bien au fond de mon lit faire de la musique pendant toute la nuit. Et j'aimerais bien au petit déjeuner faire de la musique, faire de la musique. J'aimerais bien au petit déjeuner faire de la musique à la place du thé. Les couteaux joueraient les bongos et puis la théière, et puis la théière. Les couteaux joueraient les bongos et puis la théière danserait le tango. J'aimerais bien au petit déjeuner faire de la musique, faire de la musique. J'aimerais bien au petit déjeuner faire de la musique à la place du thé.